AKS, princesse au fort. La jeunesse tient les murs, les parents serrent la ceinture. Écoute la rue. Ok. J'écris comme on s'adresse à un psy. Décris les histoires de nos adresses. Ou toxique la tristesse. Tu sois Tounsi ou Tutsi, elle oublie pas ta thèse. Ce coup-ci pris de vitesse, vécu en denti, mais laisse les soucis s'immiscent dans nos têtes. Le manque de sous nourrit nos textes. J'rappe pour la communauté, dans la merde, menoter les crocs. T'as les dents de la mer, mais épreux côté. Triste sort, et si l'excès provoque tes décès. D'où les chemins mènent pas à Rome, on s'appelle pas m'excès. Vexé, j'ai remballé mes rêves, la tristesse m'a ramené mes rêves. Et mes rêves sont devenus maîtresses. Mes textes médisent, j'écris au stylo noir sur des feuilles blanches, des mots rebeux t'entends sur mes disques. J'attise les flammes quand je tisse, c'est triste. Écris la haine, ta peine, c'est la mienne. Fiston, faut que la vie s'étienne, je suis bronzé, donc pas de piston. Tellement de soucis dans la tête, des fois je pense à retourner mon veston. Je tiens les murs qui se fissurent, car les temps sont durs. Nos parents se battent, des portes se ferment, les épreuves ne nous abattent. Okay. Les jeunes tiennent les murs qui se fissurent, car les temps sont durs. Les temps sont durs. Nos parents se battent, des portes se ferment, les épreuves ne nous abattent. Okay. Écrire un beau vers, c'est dur. Décor est moche comme des grosses vergitures. Ici les gosses du terre-terre, tu les petites sœurs prostituent. Faut que l'institut de la street institue. Artiste institue, si arrête la morale, c'est que des résidus. J'ai l'impression, papy, que la rue écrit nos vies au crayon à papier. J'lasse comme punchline, y'a du sang sur le papier. Triste automne à graille, des gravés quand y'a pas de mal. C'est grave, y'en a qui se trompent de rail, prennent le train de la CCRAI. Méfiant, car vrai et faux se confondent. Que des méfaits, lorsqu'alcool et shit se confrontent. Malfrats sont devenus bon nombre de mes frères. Parce que dehors, t'apprends qu'être un bonhomme, c'est pas les formes mais les faits. Beaucoup de femmes, depuis que les armes se sont faites, du mal à digérer la défaite. Ce qui serait pas la tristesse, dur de prendre la fuite. C'est ce que je raconte sur ce feat. Le temps défile aussi vite qu'une tasse qui baisse son fut. Les jeunes tiennent les murs qui se fissurent, car les temps sont durs. Les temps sont durs. Nos parents se battent, les portes se ferment, les épreuves ne nous abattent. Okay. Les jeunes tiennent les murs qui se fissurent, car les temps sont durs. Les temps sont durs. Nos parents se battent, les portes se ferment, les épreuves ne nous abattent. Okay. Jeunesse en crise, en quête de bonheur. Égaré de défaite sur le chemin du malheur. Les jeunes tiennent les murs qui se fissurent, car les temps sont durs. Les temps sont durs.